19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Que doit-on au néolithique, période charnière de notre humanité ? L'agriculture, l'élevage, la pierre polie auraient pu répondre il y a quelques années les archéologues. Aujourd'hui, ceux-ci ont totalement changé de paradigme pour y voir la maîtrise de l'homme sur la nature et par là même le début de l'anthropocène, l'émergence des inégalités et des élites, le stockage, la thésaurisation, mais aussi le travailler plus pour gagner plus, le début des religions et des dieux, celui des violences de masse, le développement des migrations, puisque nos agriculteurs sont les lointains héritiers des agro-pasteurs levantins, sans oublier la naissance des pandémies, la sédentarisation et donc, comme le rappelle Jean-Paul Demoule, le début du confinement. Je m'arrête là sous peine de fâcher mon invité. Le néolithique s'avère multiple, avec ses foyers primaires dont le Levant, la Chine, peut-être la Nubie et le Sahara, assurément l'Amazonie. Toutefois, nous nous pencherons exclusivement ce soir sur ce qu'il convient d'appeler le croissant fertile. Fanny Bocantin, bonsoir. Bonsoir. Chargée de recherche au CNRS, vous êtes tout à la fois archéologue et anthropologue biologique, archéothanatologue pourrait-on dire. Votre programme se penche bien entendu sur les différentes étapes de ce néolithique levantin, mais aussi sur les dynamiques socioculturelles qui le caractérisent. Parallèlement, vous co-dirigez la fouille d'un village du 7e millénaire sur les rives du Jourdain, Beissamoun, en collaboration avec les autorités des antiquités israéliennes. Vous êtes ce soir dans le magazine d'archéologie de France Culture, car vous avez découvert un nouvel élément qui pourrait à lui seul caractériser ce néolithique, découverte que vous copubliez dans la revue PLOS ONE. Fanny Bocantin, après ma diatribe, comment définiriez-vous ce néolithique ? Alors le néolithique pour moi c'est un point de rupture total, irréversible, dont nous sommes tous les héritiers. Donc vous avez parlé de ce bouleversement économique, donc on passe d'une économie de chasse et de cueillette à une économie agricole. Mais c'est aussi un bouleversement des techniques, des savoir-faire, c'est un bouleversement social puisqu'on a une redistribution des tâches, des rôles sociaux, aussi des cycles, des activités et donc un bouleversement du rapport que l'on a avec le temps passé, le temps à venir et donc de sa propre histoire. C'est aussi avec la sédentarité, puis l'aménagement du paysage en pâturage et en champs, un rapport à l'espace qui est complètement bouleversé, rapport aussi aux autres communautés voisines et un rapport à l'environnement, vous le disiez, qui change complètement avec un système de relations d'égal à égal avec la nature, dans un rapport d'alliance et de réciprocité qui est remplacé par une relation de subordination de la nature par l'homme à travers la domestication. Mais toujours dans le néolithique, quelque part. On est toujours dans le néolithique, toujours dans la subordination de plus en plus forte de cette nature qui nous entoure. C'est bien entendu l'archéologie qui écrit les premières pages de la sédentarisation, de l'agriculture et de l'élevage. Parmi les principales étapes, tout commence par la sédentarisation. Oui, alors au Proche-Orient en tout cas, ça démarre par la sédentarisation. C'est très important. Les hommes font le choix de se sédentariser et de construire ces premières maisons en dur. Et ils font ce choix, on voit bien que c'est pas un choix juste pour une génération. On voit qu'ils conçoivent ce nouveau mode de vie pour les générations à venir. Et ça, c'est important. Ils ont confiance dans ce nouveau mode de vie qu'ils sont en train d'inventer. On est à peu près à quelle époque ? Alors là, on est à peu près à 13 000 ans avant Jésus-Christ, il y a 15 000 ans. Par rapport à aujourd'hui, on est dans une phase d'instabilité climatique importante qui, sans doute, participe au choix que font les hommes à ce moment-là de se sédentariser. Pour évoquer un mot complexe, on est dans ce que vous appelez le natoufien, c'est bien ça ? Voilà. Alors c'est le natoufien, le site éponyme de N. Natouf, qui a été découvert dans les années 30 en Palestine, dans la vallée d'En-Nattouf. Le néolithique est dans un premier temps sans céramique. On parle de néolithique pré-céramique. Toutefois, émergent durant cette période de nouvelles innovations, puisqu'on est dans un temps d'innovation absolument invraisemblable. Oui, alors les archéologues définissent quatre grandes étapes. La sédentarité, l'invention de l'agriculture, de l'élevage et puis de la céramique qui va venir clore ce qu'on appelle cette révolution néolithique, qui est avant tout en fait une révolution alimentaire. Et donc la céramique, c'est très important aussi dans cette révolution, parce que ça va être une façon différente de transformer la nourriture, de transporter la nourriture, de l'échanger avec ses voisins, d'échanger éventuellement aussi les graines elles-mêmes, et de conserver, de stocker la nourriture. Donc c'est la dernière étape de ce néolithique. Là, on va peut-être plutôt parler du pré-céramique, donc avant l'invention de la céramique. Quelles sont les causes de ce processus de néolithisation ? En un mot, qu'est-ce qui aurait pu modifier et motiver les sociétés ? Alors, le pourquoi en archéologie, c'est toujours quelque chose de compliqué. Vous le savez, en fait, les archéologues ont à leur disposition non pas l'ensemble du déroulé chronologique de ces évolutions historiques, mais plutôt des instants à travers les différents sites qu'ils fouillent. Donc, c'est toujours difficile de savoir où sont les facteurs déclenchants, où sont les conséquences, vu qu'on a les choses pas toujours dans le bon ordre, et surtout, on les a incomplètes, et puis il nous reste que les restes matériels. Ce qu'on connaît, c'est le contexte. D'abord, cette instabilité climatique dont je vous parlais, donc qui fait que il faut prendre des décisions, évoluer dans le mode de vie. Et puis, on est dans un contexte d'une région où on a des plantes et des animaux qui sont propices à la domestication. Et ça, c'est très important. Donc voilà le contexte. Après, je pense qu'il faut séparer ce qui est cause de la sédentarité et cause de l'agriculture et de l'élevage. Pour ce qui est de la sédentarité, on est à un moment donné, les natoufiens commencent à sédentariser dans un moment de réchauffement climatique qui leur permet en fait d'avoir accès à des sources alimentaires proches de chez eux et donc qui leur évite de partir à des grandes distances pour se nourrir. Parce que avec le réchauffement climatique, on a plus de ressources alimentaires. Mais c'est une opportunité, cette sédentarité, qu'ils ont saisie, que des sociétés avant eux avaient eu l'opportunité qui n'avait pas été saisie. Donc pourquoi ça se fait au moment du natoufien ? Pourquoi ça se fait il y a 15 000 ans ? Parce qu'à ce moment-là, les hommes visiblement sont prêts en fait à ce nouveau mode de vie. Peut-être ils ont accumulé une connaissance de leur milieu, un savoir-faire technique qui leur permet en fait de rentrer dans ce mode de vie avec une certaine confiance. Il faut savoir aussi que ça fait quand même plusieurs milliers d'années qu'ils récoltent déjà les céréales sauvages, donc ils connaissent ces processus pré-agricoles et sans doute aussi la manière de conserver les aliments. On a parlé aussi de démographie. Quelquefois. Pour le développement de l'agriculture et de l'élevage, donc ça c'est encore quelque chose de différent et qui s'inscrit dans ce contexte proche-oriental, toujours après la sédentarité, donc déjà après avoir eu un impact sur l'environnement qui est déjà anthropisé. Donc ça intervient comme une deuxième étape. Alors il y a plusieurs hypothèses. Il y en a qui disent que c'est un déséquilibre alimentaire justement dû à la progression démographique qui est liée elle-même à la sédentarité. Parce que évidemment la sédentarité elle va avoir des impacts sur la société, mais aussi d'un point de vue biologique. On pense qu'elle a un impact sur la fertilité et sur l'intervalle entre les naissances. En tout cas, ce qu'on constate, c'est effectivement qu'il y a une augmentation de la démographie. Et s'il y a augmentation de la démographie, il y a augmentation des pressions sur l'environnement. Et donc, on peut penser que c'est une volonté de maîtriser les ressources alimentaires qui fait qu'on a commencé à pratiquer l'agriculture et l'élevage. D'autres chercheurs, comme Jacques Covin, pensent qu'on a plutôt une maturation spirituelle. La révolution des symboles. Voilà, la révolution des symboles, qui serait plutôt liée à une volonté, une propension nouvelle à vouloir dominer la nature, en lien avec la naissance de nouvelles croyances et de nouvelles religions. Alors, c'est très intéressant et je pense qu'il faut prendre tout ça en compte. Mais ce que nous disent les botanistes et les archéozoologues, ils nous disent attention parce qu'en fait, tous ces processus agricoles et d'élevage, ça prend beaucoup de temps. Et finalement, est-on sûr de l'intentionnalité de cette domestication et à quel point les hommes sont vraiment conscients de ces changements? Alors, vous vous penchez sur une période charnière de ce néolithique, ce qu'on appelle le néolithique pré-céramique. C'est en effet une période majeure, on pourrait dire de maturité, qui voit notamment l'intensification du mode sédentaire. Oui, c'est certainement, on a donc les premiers hameaux qui se développent avec le natoufien, puis après les premiers villages. Mais il faut savoir que c'est pas forcément une sédentarité qui est complètement continue. Hein. Il y a eu des moments où il y a eu une des reprises de mobilité, notamment au moment où on a des péjorations climatiques, donc qui se traduisent par un climat plus aride au Proche-Orient. Et puis, c'est pas non plus une sédentarité qui concerne tous les groupes humains. Ceux qui vivaient dans les parties plus désertiques, ceux qui ont fait le choix aussi de rester mobiles, ne sont pas sédentaires. J'ai vu que c'était une période de diversification et de diffusion de l'agriculture. Oui, alors comment ça marche en fait? Au départ, on pensait qu'on avait un seul centre d'invention de l'agriculture et de l'élevage et puis qu'il s'était diffusé. Alors la sédentarité, on sait qu'elle intervient assez tôt au Levant Sud, mais maintenant on trouve des centres aussi de sédentarité très anciens au Levant Nord, dans la vallée de l'Euphrate. En fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, et ça on a avancé là-dessus, c'est qu'on a des inventions qui sont simultanées à différents endroits. Ce qu'on appelle une domestication polyphylétique, c'est-à-dire avec des souches génétiques qui viennent de plusieurs taxons et de plusieurs cultivars d'un point de vue botanique. Donc en fait, ça se fait sur la longue durée et ça se fait grâce à des communautés qui sont liées par des réseaux d'échanges à court et longue distance, qui sont très très denses, très complexes, et des réseaux qui sont extrêmement dynamiques, qui vont participer non seulement à la naissance de cette agriculture et de l'élevage, mais aussi à l'enracinement et à la stabilisation de ce nouveau mode de vie. Vous parlez de taxons et de cultivars. Bon, le taxon, ça va être la chèvre, le mouton, peut-être le porc, le bœuf. Les cultivars, c'est quoi? Eh ben alors, ça va être l'engrain, le blé amidonier, ça va être l'orge. Et puis, ça va être aussi un certain nombre de légumineuses, le pois chiche, le pois, les lentilles. Vous fouillez un site en Haute-Galilée, dans la partie septentrionale de la vallée du Jourdain, Ben Tsamoun, qui a été découvert visiblement il y a longtemps et où notamment des chercheurs français ont travaillé. Oui, alors c'est un site qui a été découvert dès les années 50 par un agriculteur, un kibboutznik, Amnon Assaf, qui était un passionné d'archéologie et qui a tout de suite été chercher les archéologues français qui fouillaient pas très loin sur le site de Malara, Jean Perrault, pour venir expertiser ce site. Et Jean Perrault s'est rendu compte que c'était un site néolithique majeur, quand même grandement détruit parce qu'il y avait beaucoup d'artefacts de matériel en surface. Mais il en a confié la fouille à Monique Le Chevalier et avec Geneviève Dolfus, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Elles ont entrepris donc la prospection de ce site et puis une fouille d'une des structures en 1972 qui s'est révélée une structure très importante du 8e millénaire. En 2007, j'ai choisi de reprendre l'investigation de ce site avec mon collègue Ramoudir Alaili des Antiquités israéliennes. Et là, on a été très surpris parce que on s'attendait à fouiller du 8e millénaire, on s'est retrouvé sur une occupation du 7e millénaire. Le site est visiblement bien conservé? Non, en fait, le site n'est pas très bien conservé. On est en bord de marécage, pas très loin du lac Oulé. Et surtout, à partir des années 50, comme je vous le disais, si on a découvert le site, c'est parce qu'il y a des bassins piscicoles qui ont été aménagés. Et en fait, ces bassins ont eu un effet très défavorable sur la conservation, notamment de matériaux organiques sur le site. Fanny Beaucantin, avez-vous dans l'architecture des maisons rectangulaires, des édifices collectifs qui caractérisent généralement un des grands changements de cette période du néolithique pré-céramique? Non, alors on a des maisons rectangulaires et puis à la fin de cette période, à la fin du 7e millénaire, on a des maisons qui vont être un peu plutôt semi-circulaires et puis des défauts et des habitats un peu plus légers. C'est un héritage qui vient du 8e millénaire, ces maisons rectangulaires, mais c'est vrai que le 7e millénaire est connu pour avoir en fait peu de bâtiments collectifs. On a quand même des petites plateformes, des déserts d'activités qui montrent qu'on a des activités un peu culturelles lors du quotidien, qui sont donc probablement collectives, mais sinon ce sont des maisons où les gens vivent et ont leur activité quotidienne. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Fanny Beaucantin, quelle est la superficie de votre site? C'est un gros site. Alors, en fait, il a probablement varié en extension au fil de son occupation. Pour le 8e millénaire, il fait probablement 10 hectares. C'est ce que donne la prospection qu'a fait Monique Le Chevalier. Il est possible qu'il se réduise par la suite. Moi, j'ai fouillé 300 mètres carrés, donc c'est tout petit. Mais mon idée n'était pas de fouiller en extension, mais plutôt finement, pour pouvoir justement enregistrer, identifier l'évolution chronologique de son occupation, parce que c'est ça qui était important, parce qu'on parlait d'une rupture entre le 8e et le 7e, et moi je voulais vérifier s'il y avait rupture ou pas. Justement, en Jordanie, on a découvert des très très grands sites, ceux que l'on dénomme des mégasites. Oui, juste avant ce hiatus palestinien, on a des sites très importants en Jordanie qui font entre 10 et 20 hectares. Et on vient d'en découvrir un d'ailleurs en Israël, aux portes de Jérusalem, qui vient d'être fouillé pendant 2 ans. Et Beis Hamoun était sans doute l'un d'entre eux aussi, sauf que Beis Hamoun a été très détruit pour ce qui est du 8e millénaire. On évoque parfois justement un effondrement au cours du 7e millénaire. Jean Perrault avait trouvé un beau mot, le hiatus palestinien. Ce hiatus a-t-il réellement existé ? En partie, oui, et en partie non. C'est-à-dire qu'on imaginait, à l'époque de Perrault, vraiment une occupation du territoire qui est quasiment nulle. On se rend compte aujourd'hui que c'est plutôt un problème d'identification, même si effectivement les sites du 7e millénaire sont moins importants que ceux du 8e. Mais c'est tout le problème aussi des découvertes archéologiques, c'est-à-dire qu'on a commencé par très bien définir le 8e millénaire parce qu'on a trouvé des gros sites, on a très bien défini les sites du 6e millénaire. Et puis quand il a fallu définir la période intermédiaire, on n'a pas trouvé les éléments qu'il fallait. C'est le problème des transitions où on a deux périodes bien définies et après il faut arriver à combler le vide au milieu. Venons-en au traitement des morts dont nous n'avons absolument pas parlé. Durant cette période, les pratiques funéraires semblent extrêmement variées. Oui, alors ça débute avec le natoufien et ça s'intensifie avec le néolithique. On a non seulement des pratiques très variées, que ce soit d'un site à un autre, d'un individu à un autre, mais on a aussi des pratiques qui sont sur le long terme, des pratiques qui prennent du temps. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement on dépose un cadavre dans une fosse, c'est ça, mais c'est aussi on revient, on prélève le crâne, on manipule les os, on les déplace, etc. Donc il y a tout un processus funéraire. Voilà, c'est tout un programme funéraire sur le temps long. C'est-à-dire que c'est une construction dans le temps de la gestion du cadavre et puis ensuite du défunt, de ses restes, qui cheminent longtemps dans la mémoire des vivants. Vous avez ça, Beis Hamoun ? Alors à Beis Hamoun, on a, pour ce qui est de la partie, ce qu'on a fouillé, donc ces 7e et la toute fin du 8e, on a effectivement à cette période du secondaire, donc c'est-à-dire des os, on a inhumé un cadavre et ensuite on a repris ses restes pour le réinhumer ailleurs, on a ça, on a des prélèvements de crâne, et puis tout s'arrête au début du 7e millénaire, on a des pratiques plus simples, primaires, sans prélèvement de crâne, et puis l'émergence d'une pratique qu'on ne connaissait pas avant, qui est la crémation. Les gestes funéraires varient d'une communauté à l'autre, vous le disiez, mais aussi dans un même site, d'un individu à l'autre. Il y a surtout donc de très nombreuses manipulations, des enlèvements d'ossements par exemple. Vous avez aussi des sortes de démembrements, il y a aussi des sortes de momifications temporaires. Oui, alors pour une petite partie de ces individus, on a une norme, et puis à côté de cette norme, on a des choses beaucoup plus complexes, notamment de démembrement. Effectivement, il y en a un cas magnifique qui a été trouvé à Jéricho. Je dis magnifique parce qu'il a été trouvé dans les années 50 et que l'anthropologue qui était là, d'ailleurs qui n'était pas anthropologue, qui était archéologue, Yann Karnwald, a fait un travail exceptionnel sur cette sépulture et il a découvert qu'en fait, les os étaient articulés en connexion anatomique, sauf que les membres étaient pas vraiment à leur place. Effectivement, j'ai repris l'étude de cette sépulture et non seulement on voit qu'ils ont déposé des bouts de membres et donc ils se sont trompés parfois dans l'ordre anatomique, ce qui nous permet de dire que le cadavre n'est pas arrivé entier, mais en pièces. Philippe Quentin, il faut aussi évoquer brièvement ces crânes surmodelés de cette période. Vous en avez d'ailleurs deux dans votre chantier. Oui, c'est vrai, on a eu de la chance de trouver ces pièces magnifiques. Alors celles-ci sont pas extrêmement bien conservées, mais c'est intéressant parce que justement, on peut voir la façon dont elles étaient faites parce qu'elles ne sont pas complètes. Mais ça caractérise vraiment le 8e millénaire. Donc, je vous disais qu'il y avait des prélèvements de crâne. Et puis, il y a une période où au levant sud et levant central, on a non seulement prélèvement des crânes, mais on va surmodeler par-dessus le crâne sec après décomposition un visage à l'aide de chaux en général, et un visage qui peut être soit un petit peu ambigu entre homme et quelque chose d'un peu surnaturel, ou au contraire, qui peut être très proche d'un visage humain, les yeux fermés, serein. C'est très proche de ce que l'on a trouvé, par exemple, à Tchataluk. Nous faisons parfois référence à un culte des ancêtres, de quoi peut-il s'agir ? Alors oui, c'est assez évident, c'est-à-dire que non seulement les cadavres, les défunts sont très proches de l'habitat, ils sont enterrés dans l'habitat, et puis il y a cette manipulation sur le temps long, Et ils sont placés pas n'importe où, c'est-à-dire les sépultures ne sont pas placées n'importe où, les crânes qui sont prélevés ne sont pas placés n'importe où dans le village. Et on sent que certains des morts, peut-être pas tous, mais ont une autorité sur les vivants, et c'est ce qu'on appelle le culte des ancêtres. C'est-à-dire que les morts ne sont pas vraiment morts, ils interviennent dans la vie des vivants. Le néolithique n'arrête pas de nous surprendre au travers de ses innovations. Ce que vous avez publié, c'est la première crémation intentionnelle du Proche-Orient, l'émergence d'une nouvelle pratique funéraire il y a 9000 ans. Oui, alors c'est la première fois effectivement qu'on découvre un cadavre qui a été brûlé, et on a découvert, c'est aussi ce qui est extraordinaire, c'est la structure, le bûcher, dans lequel il a été laissé après combustion. C'est ce que vous appelez une tombe bûcher ? Voilà. Donc même si la crémation existe par ailleurs, plus ancienne même en Europe, trouver des bûchers, c'est très rare. Et là, c'est un bûcher qui est en plus bien daté, bien contextualisé, donc ça nous apporte beaucoup d'informations. Comment se présentait la tombe ? Alors c'est une fosse qui fait à peu près 80 cm de profondeur et qui a été enduite avec une argile humide qui ressemble un peu à le type d'enduit qu'ils utilisent pour faire leurs briques crues, avec lesquelles ils font leur maison. Et puis, ils ont mis le corps donc à l'intérieur avec du bois. Et ils ont monté la température à plus de 700 degrés, ce qui a permis de brûler un corps qui demande une technique complexe et pour lequel ils ont très bien réussi à faire ce travail. C'est ce que vous appelez une crémation primaire, l'incinération d'un cadavre frais. Ça, pour vous, c'est très important. C'est important parce qu'on a des cas au Proche-Orient qui soient d'ailleurs, ils sont contemporains à ce que j'ai trouvé à Beit Samoun, ce que nous avons trouvé, ou un petit peu plus anciens, mais ce sont des os secs qui sont mis dans des bûchers. C'est autre chose au niveau matériel, c'est plus difficile à brûler un cadavre. Et puis c'est autre chose au niveau des odeurs, au niveau de tout ce que ça implique aussi, au niveau du deuil et de la destruction immédiate du corps. Qui était l'individu ? Alors c'est un jeune adulte dont on n'a pas pu déterminer le sexe. En tout cas, il a une pointe de projectile dans l'épaule. Oui, alors c'est une personne qui a survécu d'une blessure qu'il a eue sans doute quelques semaines au minimum, voire quelques années, avant sa mort, dont il s'est très bien remis. Mais il a gardé cette pointe de flèche dans l'épaule. Et d'ailleurs, je salue le travail qu'a fait Marie Anton sur cette collection, parce que c'est elle qui l'a découverte. C'est une doctorante qui travaille sur le site de Beit Samoun, qui a découvert cette pointe de flèche encore fichée dans l'épaule. Donc ça veut dire qu'il a survécu et qu'il a vécu quelques mois au moins avec ce petit bout de silex dans l'épaule. Et en tout cas, sa mort serait survenue au printemps. Alors, c'est ce que nous disent les phytolithes. Les phytolithes, c'est la partie minérale des plantes et qui ont été étudiées par une botaniste, qui Arlène Rosen, qui nous dit que effectivement, elle a trouvé beaucoup de restes d'herbes en fleurs. Et donc, si ces herbes étaient en fleurs, eh bien, c'est probablement que nous étions à la fin de l'hiver, voire au début du printemps. Ça rappelle la tombe de Chanidar, les Néandertaliens, bien sûr. C'est un peu plus vieux. Et ces fleurs, elles accompagnaient le mort ou elles ont servi de combustible ? Non, on pense que c'était plutôt soit ornemental, soit des fleurs parfumées hein, pour masquer un petit peu les odeurs de la crémation, ce qui se fait beaucoup encore aujourd'hui dans la crémation traditionnelle. Fanny Beaucantin, vous avez observé des dommages sur les ossements qui sont antérieurs à la crémation. 5 petits stries, de quoi s'agit-il ? Alors ça, on a eu un petit peu de mal à interpréter. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est des morsures d'un petit carnivore au niveau du talon. Et on pense que ça a été fait quand le cadavre était frais. Et voilà, au moment peut-être où on exposait le cadavre, un chien qui est passé par ici et qui lui a mangé le talon. Il régnait visiblement une sorte de grand désordre dans la tombe. Vous avez réussi à expliquer ce qui s'était passé ? Oui, alors ça, c'est grâce à une fouille fine. Hein. On a toujours l'impression que c'est le bazar quand on commence à fouiller. Puis finalement, quand on étudie et quand on fouille finement toujours à la recherche des connexions, de la répartition spatiale des eaux, on peut finalement trouver de l'ordre dans ce désordre. Et là, ce qu'on a pu retrouver finalement, c'est beaucoup d'ordre, puisque on a pu déterminer que les eaux de la partie gauche du corps et de la partie droite n'étaient pas au même endroit, que le haut du corps et les os du bas du corps n'étaient pas non plus assez séparés, ce qui nous a permis de faire une hypothèse de reconstitution de la position du cadavre dans le bûcher, donc plutôt en position contractée et assise. Il était assis, ça c'est une situation aussi assez rare. Alors, il y en a quelques cas au néolithique, mais effectivement, c'est pas la position la plus normée, hein. En général, ils sont plutôt installés sur le côté, mais on connaît quelques sites et quelques cas d'individus sur certains sites qui sont en position assise. Alors, il faut rappeler que ce qu'il reste de l'individu, c'est 1158 grammes d'os, donc totalement carbonisé. Vous avez réussi à reconstituer les gestes funéraires, les pratiques, et non pas bien sûr les rites, puisque les rites sont très difficiles à reconstituer en archéologie? Oui, sur la manipulation. Alors, dans ce cas-là, en fait, ce qu'on montre, c'est qu'il y a assez peu de manipulation de cadavres dans le bûcher. En fait, il est laissé un petit peu une combustion naturelle qui a dû prendre pas mal de temps, plusieurs heures. Et puis, finalement, après, il est laissé dans le bûcher, abandonné. Et puis, le bûcher se délite petit à petit. Les parois vont tomber à l'intérieur du bûcher. Et les restes crématisés vont être recouverts de cendres et de ces parois, puis ensuite de la sédimentation naturelle du site. Alors bien sûr, la crémation, c'est la première fois qu'on la met en évidence pour ce néolithique vraiment ancien, ce que l'on appelle le PPNB, le néolithique précéramique. Le feu a un fort impact, bien sûr, sur la procédure funéraire, peut-être aussi sur le temps de deuil, une sorte de contraction du temps funéraire, pourrait-on penser ? En fait, c'est vraiment un tournant majeur du traitement des cadavres. Puisque c'est dans un contexte, cette crémation, elle apparaît pas par hasard. D'abord, elle est dans un programme funéraire, puisqu'on a d'autres crémations sur le site, hein, donc elle n'est pas isolée, ça c'est important. Et puis ensuite, elle apparaît juste avant la disparition des morts du village, c'est-à-dire que après, vers le milieu du 7e millénaire, on n'a plus de morts dans les villages, donc les morts disparaissent. On ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont, puisque au 6e millénaire, on n'a pas de cimetière. Ils disparaissent dans le paysage, au moins archéologique ou pour l'archéologie. Ça veut dire qu'on revient à des pratiques funéraires sans doute qui ne laissent pas de traces, peut-être des expositions de corps. Et puis, cette crémation, elle apparaît aussi au moment où on arrête de prélever le crâne dans les sépultures primaires. Donc, a priori, on a quelque chose, un rapport avec le mort qui change du tout au tout et peut-être l'effacement de ce rôle actif des morts dans la vie des vivants, ce que je vous disais tout à l'heure, le culte des ancêtres. Philippe Bocantin, juste une dernière question brièvement. Pourrait-on y voir un changement dans l'idéologie et les croyances, une sorte de transition ? Je pense que ça annonce une transition. Alors, ça va prendre du temps, mais là, visiblement, les ancêtres n'ont plus du tout le même pouvoir qu'avant. Et on peut imaginer qu'apparaissent de nouveaux dieux, de nouvelles religions. Et c'est d'ailleurs ce que laissent penser des figurines qui apparaissent au 6e millénaire et qui sont extrêmement standardisées, qui laissent penser que les hommes s'intéressent à d'autres types de divinités. Fanny Bocantin, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Mercher et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, retour en France où nous évoquerons les mammouths.